Même heure. Tout le monde a l'heure qu'il a. C'est ça. Je pas qu'un vendeur de monde Timex à la porte, tu feras pas d'argent. Période de questions. Lorsque l'on dort, nous sommes plus vulnérables du point de vue de ce qui peut se réincarner, vu que le contact astral est à 100% présent. Se déguiser, prendre une onde de forme choisie, quel en serait l'effet dans ce qui se réincarne? Ça a de l'effet, mais c'est surtout l'atmosphère de la chambre qui serait à changer, ainsi que l'atmosphère du présommeil. Est-ce qu'on peut se déguiser puis se coucher? Oui, c'est ça, t'en plaît ça? Oui. Il y en a qui le font, ils se déguisent en momie, ils se mettent un paquet d'affaires sur la face, puis ils dorment avec ça, puis un jour, ben ils gagnent, ils sont morts, ils sont pareils. Mais l'atmosphère de la chambre, c'est plus important ou égal ou... L'atmosphère de la chambre est importante. Si tu as des vieux meubles là-dedans, tu attires des trucs intéressants, de plusieurs énergies qui entrent les maisons, on l'a déjà vu. Alors, quand on parle de te déguiser, ben, c'est la façon de dormir. Si tu dors toujours en fœtus, c'est intéressant. Sur le dos, c'est autre chose. Tel côté ou tel autre côté. La chambre elle-même, elle ressemble à quoi? C'est quoi l'onde de forme qui est émise pendant la nuit par la chambre? C'est important à considérer aussi. J'ai fait une conférence sur attention aux ondes de forme. On peut s'y référer si on veut avoir une idée. La différence entre coucher sur le côté, sur le dos, en fœtus, c'est... Bon, juste une petite chose avant, c'est sûr que si tu dors, tu déguises en homme d'affaires, tu dors avec ton veston et ta cravate, tu ne réincarneras pas des hommes d'affaires. Une armure. Ils ne dorment pas en veston et en cravate. Une armure de chevalier. Ouais, c'est ça. C'est... Sur le dos, l'individu est beaucoup plus... Un individu qui n'a pas le choix de se coucher sur le dos, c'est pas la même chose. On parle d'un individu qui peut coucher d'une façon polyvalente. Sur le dos, l'individu est beaucoup plus réceptif. Normalement, les égaux qui sont extrêmement sûrs d'eux autorisent leur corps à dormir sur le dos. Un égo qui est extrêmement insécure va forcer le corps à dormir en position fœtale. Gauche, droite, on s'en fout. Et si tu es en position de sécurité, c'est un égo qui, normalement, est entre les deux, en dépendant de ce qu'on va aller chercher. Il y en a, par exemple, qui vont s'asseoir, puis s'ils n'ont pas les jambes croisées, ça va pas. Bon, alors, tu te couches dans ton lit, tu te couches sur le dos, par exemple, pour réfléchir, et puis les jambes se croisent. On ferme une entrée et une sortie d'énergie. Il y a une insécurité. Là, tu les décroises, totalement inconfortable. Ils vont se recroiser. Bon, les bras, c'est pareil bien souvent. Alors, c'est des choses, à un moment donné, à changer. Si on est capable. Supposons ceci. Je mange une chips et lorsque j'ai terminé, je modifie mon passé pour que j'ai fait de l'exercice au lieu de bouffer mon chip. De ce fait, mon corps ne devrait pas être altéré négativement par le chip. Vrai ou faux? Pourquoi? Vrai. Si oui, comment le faire? Ben, c'est ça qu'il va faire. Si vous saviez la quantité de choses extrêmement faciles à faire quand on n'a pas d'ego. Et chaque fois qu'on pose la même question, comment faire ceci, comment faire cela, comment faire cela, comment faire cela, c'est très, très, très, très simple, faites-le donc. Vous parvenez à vous élever vos bras, vous parvenez à marcher, vous parvenez à parler, puis vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi? Parce que vous le faites. La majorité des choses, c'est simple, on n'a qu'à le faire. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a jamais fait. Alors, on ne sait pas comment le faire. À un moment donné, j'étais avec une personne... dans la quarantaine, et puis je lui demande, on va faire un peu de course à pied. Ah, ben, j'ai jamais fait ça. Ben, c'est pas grave, hein, courir, tu sais. C'est comme quand tu cours après l'autobus ou après le métro, courir. Bon, t'as déjà eu des enfants, bon, t'as déjà couru, courir. Courir. OK. Fait que là, on part à trotter. Puis là, elle a des bras comme ça, puis c'est comme ça qu'on fait. Elle a quand même appris à faire de la course sur le trottoir. Fait que là, c'est pas si les bras sont corrects, si les poings sont corrects, si le sourire est correct, c'est pas, c'est... Elle a vraiment appris. Alors que le premier qui a couru, lui, il n'a pas pensé à ça. Il a couru. Il s'est rendu compte qu'il courait. Il y avait un tigre aux fesses. Non, sur le trottoir. Ah, sur le trottoir. Oui. Alors lui, il s'est rendu compte qu'il courait. Puis ceux qui ont vu passer, ont dit, ah, c'est une bonne idée. Puis ils ont tous couru comme lui. C'était lui le standard, c'était lui la norme. Bon. Alors à un moment donné, s'il y en a une personne qui court avec un survêtement 100% synthétique, qu'une compagnie. En tout cas, dis pas le nom, fait, et ça respire mal, tu transpires pas, en tout cas, c'est compliqué au coton, ouais, c'est ce que je veux dire, c'est totalement synthétique, compliqué au coton, eh bien, vu que c'est comme ça qu'on fait de la course à pied, ben là, tout le monde en achète. Bon, quand c'est fluorescent, ben, ça dépend qui t'a vu courir, pour savoir comment faut que tu sois habillé, comment faut que tu cours. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas faire, pourquoi? Parce qu'on cherche comment le faire. alors qu'on n'aurait qu'à le faire. Parce qu'on est convaincu que c'est l'expérience, l'apprentissage qui fait qu'on parvient à être bon, on reste encore une fois confiné dans ce que je vous disais, c'est parce que vous avez un passé que vous vous autorisez à être ce que vous êtes. Si vous auriez un autre passé, ben vous seriez autre chose. Vous pourriez vous le permettre. Comment, bon, la personne, elle mange un chip. La personne, ce qu'elle me demande, c'est que l'ego me demande, comment puis-je manger comme un maudit cochon ou comme une maudite cochonne sans que ça paraisse? Le problème, c'est qu'il y a de l'ego. Vous savez, un corps physique est assujetti à des mécaniques, des lois. Hein? L'humain appelle ça des lois. Tout ce qui est en dissonance, c'est l'humain appelle ça une loi. Et ces lois-là sont aussi assujetties à l'ego. Il y a des êtres humains qui ne font que regarder la publicité puis engraissent. C'est un risque de l'énergie. Il y en a d'autres qui mangent, qui n'engraissent pas. Ils rejettent tout, ils ne stockent pas. Ça dépend de la quantité de cellules adipeuses, ça dépend de plusieurs choses, soit. Ça dépend donc du corps physique. Est-ce qu'on peut altérer ça? Oui, le corps n'a qu'à pas savoir qu'on a mangé des chips. Et c'est vrai. La problématique, c'est que si on a un ego, ben l'ego s'en rappelle. Il va aller y dire, le stool. Ah, l'ego, il n'y a rien à faire. Alors, il y a une partie qui va se nourrir des chips, et puis une partie qui va dire, je n'ai jamais mangé. Oui. Et l'autre partie, elle va dire, oui, mais moi, je l'ai mangé, par exemple. Donc, l'individu devrait ne pas avoir d'ego. Si l'individu n'a pas d'ego, il ne mange pas de chips, c'est des saloperies. Ne demande pas si j'en mange des chips. Même au vinaigre. Ça ne te regarde pas. Daniel, le PMC sera-t-il aussi profitable pour moi si je n'ai pas beaucoup de questions à poser? Imaginez que chaque fois que je fais le séminaire, je pose aucune question puis c'est profitable pour moi. Alors, si je n'ai pas beaucoup à poser. D'ailleurs, la majorité des individus qui font le séminaire n'ont pas beaucoup de questions à poser. C'est d'ailleurs pourquoi je réponds à toutes leurs questions, même si je n'en pose pas, parce que sinon, ce serait extrêmement plate. Ils ont plein de questions avant, des fois. Puis quand ils se ramassent là, bien, ils n'ont plus. Puis après 2 jours, ils n'en ont pas plus. Mais 2 mois après, ils n'en ont plein. C'est pas une question de poser des questions. Quand on fait le séminaire, eh bien, je passe 2 jours à parler. Fait qu'imaginez que j'ai pas besoin de poser des questions. Moi, parce que je suis poli, j'en laisse poser. Ben, c'est pas nécessaire. Faites-vous sur les gueules supramentales. Et pour parler tout seul, ça y va. Faut-il forcer l'avenir pour évoluer plus rapidement? On ne peut pas évoluer plus rapidement. C'est une illusion encore de la conscience de l'ego. On peut par contre évoluer plus confortablement. Et quand on évolue plus confortablement, ça donne l'illusion qu'on évolue plus rapidement. Alors, on peut évoluer beaucoup plus confortablement. Est-ce qu'il faut forcer l'avenir? On ne force pas l'avenir. Vous devez forcer votre ego. Mais on ne force pas l'ego tant qu'on n'est pas suffisamment réchauffé du point de vue de la conscience. Parce que là, on est totalement manipulé par l'ego. On est manipulé par le passé, on est manipulé par ses peurs, on est manipulé par ce que les autres vont en penser, on est manipulé par savoir si on est normal ou pas normal. On est anormal, c'est réglé, c'est évident. On est manipulé pour savoir si on est sectarisé ou pas. On est manipulé pour savoir si Dieu va être content ou pas. On est toujours manipulé. Jusqu'à un moment donné, on est capable de supporter nous-mêmes ce que nous pensons. Comprenez le principe, c'est facile. Pour que l'ego se sente libéré à un moment donné. Si vous sauriez totalement ce qu'il faut faire, vous le feriez. Ou si vous saviez, pour certaines personnes, bien, vous le feriez. Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le faire. Nécessairement, vous êtes obligé de faire ce que vous pouvez faire. Étant obligé de faire ce que l'on peut faire, on est donc absolument irresponsable, et c'est vrai, de ce que l'on fait. Si on est irresponsable de ce que l'on fait, on ne peut être coupable. On ne peut donc s'autoriser à se sentir coupable. L'avoir su, je ne l'aurais pas fait. Fait que, dites-moi-le, hein? Réveillez-vous quelque part. Les lumières, les lampes, le dieu du tonnerre, le dieu chrétien, quelqu'un. Dites-moi-le, et je vais accomplir. Tant qu'on ne me le dit pas, ben j'accomplis ce que je peux. Et je me casse la gueule souvent. Tant pis, les dieux aussi se la cassent. Et à un moment donné, ça va permettre certaines choses. C'est que vos égos, ainsi que votre mental, allez pouvoir vous autoriser mutuellement à essayer de nouvelles choses. Autrement dit, vous allez être capable de vous risquer de mal faire. Tant pis pour eux autres. Et quand on commence à pouvoir se risquer, à s'autoriser à se risquer à pouvoir mal faire, bien, on se libère énormément. Parce que finalement, est-ce que j'aurais dû rentrer travailler? Est-ce que je n'aurais pas dû rentrer travailler? De toute façon, je suis manipulé. Fait que si j'ai le goût, j'y vais. Si j'y vais, j'y vais. Si j'ai pas le goût, j'y vais pas. Et l'humain va être manipulé par son problème financier, par ceci, par cela, par cela. Et la majorité vont dire, oui, mais si à un moment donné, je fais plus rien. Mais non, vous êtes manipulé. Tant qu'à croire à un paquet de saloperies, croyez à ça que vous êtes manipulé. Il y a toujours un point où vous devez rester intelligent, c'est évident. Il y a toujours un point, et quand je dis rester intelligent, ça ne veut pas dire vous devez quand même déterminer que là, ça n'a plus d'intelligence, il faut que je le fasse. Non. Je parle mentalement, là. Restez chez vous, restez votre maître. Il y a un point où vous allez abandonner la vie. Vous allez cesser d'essayer. Vous allez cesser de travailler, de forcer pour. Et là, la vie va sembler vous laisser tomber totalement. On va vous rire en pleine face. Tout va commencer à se désintégrer, à se désagréger. Mais sachez une chose, ce qui se désagrège, ce n'est pas votre vie. C'est celle que vous avez cru être la vôtre. Et elle tombe. Mais il y a un problème, c'est que votre ego est habitué. Votre ego ne voit pas comment elle va s'en sortir. Votre ego a peur. Ça, c'est la mécanique qui est utilisée pour vous obliger, pour vous manipuler à réembarquer. Et ça va s'en aller, mais descendre. Puis à un moment donné, il y a un stress dans la vie que vous ne connaissez pas, qui ne vous regarde pas, puis c'est de sa faute qu'elle s'en occupe de son stress, où on ne pourra pas vous laisser aller plus bas. Et là, les choses vont commencer à se régler d'elles-mêmes. Nécessairement, votre vie va changer. Là, c'est votre chemin qui va commencer à se dessiner pour vous. Vous allez ralentir. En ralentissant, vous allez trouver que l'argent rentre moins vite. Jusqu'à comme un arrêt. Et là, il y aura un pivotement. Puis après ça, ça va recommencer. La problématique, c'est que quand ça ralentit, bien là, on ne sait plus. Là, on commence à accélérer, nous autres. Si on arrive presque au point mort, ça commence à tourner, ça avance pas assez vite. On se dit, bien, en attendant que ça avance, je vais en prendre un peu là. Puis là, on se ramasse dans une troisième voie, celle qui est entre les deux, qui est toujours pas la bonne. Forcer quoi que ce soit, non, pourri. C'est travailler. Ça sert à rien. Mais l'individu n'a pas confiance dans ce que je dis. Pour la simple raison que l'individu ne fait pas confiance au neuf. Il ne fait confiance qu'à son expérience. Alors, l'individu expérimentant que là, il vient de perdre son emploi, expérimentant que là, il y a ceci, que là, il y a ça. Alors, s'il s'idatise, il sécrète énormément, il a de grands problèmes, et puis là, il ne peut pas arriver. Il ne peut pas être libre. Faites-le. C'est simple, faites-le. Mais quand je dis faites-le, c'est pas le faire une journée puis de le défaire le lendemain, c'est de le faire. Et nécessairement, une grande partie de votre vie va s'effondrer totalement. Ce n'est pas votre vie, ça, c'est votre tombe. Va tomber. Et vous ne devez pas rester pris, être enterré par-dessus la tombe, plutôt que dedans. Ça fonctionne. Certains vont dire, c'est dangereux ce que tu dis là, mais même est-ce que si quelqu'un déciderait d'eux? Moi, je considère l'évolution sur 500 ans minimum. Il y a un gars au Lac-Saint-Jean, lui, c'est 20 ans minimum. Pas c'est 500 ans. L'individu qui meurt... 25 minimum. L'individu qui meurt, après avoir réussi sa vie, pour moi, il n'a pas plus d'importance que l'individu qui meurt et qui a été sous l'assistance sociale toute sa vie. Pourquoi? Parce que les deux ne se sont peut-être pas servis de la vie. Alors, il y a une nuance totale entre sembler réussir sa vie, vouloir rechercher un luxe et un confort que l'aristocrate aura, pas parce qu'il le recherchera, parce que ça lui est dû. Pas parce qu'il le recherchera. Certains vont dire, oui, mais il y en a qui le recherchent et ils l'ont. C'est faux. S'ils ne le rechercheraient pas, ils l'auraient aussi. Mais ne sachant pas, ils sont méritoires, ils le recherchent et ils l'ont. Et vous vous dites, bon, c'est la preuve que... Alors, continuez à le rechercher en travaillant puis en forçant. Vous ne l'aurez toujours pas plus. Faites-le. Et là, l'humain dit, oui, mais comment on le fait? Ben, ils veulent en quoi travailler? Ils n'ont rien compris ce que j'ai dit. Faites-le. Ah, mais du jour au lendemain, ça va? Si vous pourriez le faire réellement, oui, du jour au lendemain, ça serait fait. Vous ne pourriez pas le faire du jour au lendemain. le faire aussi sérieusement que ça. Mais faites-le quand même un peu! Et ça se fait. Ça fonctionne. C'est tellement facile. L'animal humain est un imbécile. On peut même dire que finalement, l'humain, nous sommes une gang de cons. Mais ça se fait. Faut le faire. Faut le faire. Le faire. Simple. Le faire. Ça fonctionne. Dans les brides du futur dont tu parlais tantôt, il y en avait un paquet là, de choix possibles, des futurs possibles. Si on va plus loin et qu'on disait qu'il y avait une corde, on imagine une corde qui, après laquelle il y en a 13 ou 14 de rattachés, après lesquels il y en a 144 853, après lesquels il y en a des millions. On sait qu'on s'en va dans ce cheminement-là, mais on ne sait pas par quel bout de corde on doit partir en bas pour monter à la première ou à la 144e mille. Comment on pourrait faire pour voir de l'autre côté? Aller en haut, puis regarder par en bas, puis voir quel tuyau ou quelle corde relie toutes les autres cordes, puis partir tout de suite après le bon bout, au lieu d'avoir la toute brûlée, les... Bon, veux-tu un chemin compliqué, un chemin pas trop compliqué, une façon bien facile, façon très facile? Ben, pourquoi le mettre difficile si on peut l'avoir très facile? Ça me met très facile. Parce que l'humain, l'ego de l'humain est un imbécile? Non, très facile. Très facile, ne fait aucun choix. Puis parce que tu fais aucun choix, tu vas être attiré par la bonne corde, puis tu vas aller au bon endroit. Va où ça s'ouvre. Oh, mais des fois, tu te pètes la gueule, la porte, elle s'ouvre pas quand t'arrives, vis-à-vis. Mais non! Tu dis va où ça s'ouvre. Tu me dis, ben oui, mais quand je vais où ça s'ouvre pas, me pète la gueule. Parce que je le sais. Ben oui, mais tu peux. Tu vas où tu penses que ça va. Non, tu vas où ça s'ouvre. Ouais. Va où ça s'ouvre. T'attends que ça s'ouvre, tu y vas après. Ce qui est mieux, c'est d'y aller quand ça s'ouvre. Ouais, ça c'est l'idéal. Mais comment? Je sais comment tu vas me répondre. Tu vois, veux-tu donner une façon plus compliquée, là? Non, laisse faire. Non, c'est correct. Tu vois où ça s'ouvre. À la télévision, cette semaine, on change de question. Il y avait une émission un peu désolante sur la dépression, animée par Pierre Nadeau. Est-ce que les électrochocs... Une émission dépressive sur la dépression? Ça doit. Est-ce que les électrochocs sous anesthésie ne sont-ils pas une aberration? Que se passe-t-il au niveau du corps éthérique? Ben, les électrochocs, sous anesthésie ou pas, c'est effectivement tout à fait con. L'électrochoc, la particularité qu'il a, c'est qu'il défasse le corps vital, puis en même temps, il stresse une partie du corps physique, et ça empêche la partie astrale dépressive de s'exprimer. C'est tout. Ça altère le corps physique aussi, ça ne développe pas la conscience. Il faut comprendre une chose, c'est que le corps physique sert de véhicule d'expression. Le système endocrinien, une partie hypothalamienne, une partie thalamienne, une partie du cortex, une partie du système nerveux, sert à l'expression du corps astral. Si on altère cela par des médicaments, par des électrochocs, sous anesthésie pour ne pas que ce soit trop enregistré du point de vue souffrance par l'ego, quand c'est altéré, ce qui s'exprimait ne s'exprime plus. Alors, autrement dit, si une radio reçoit telle fréquence, 850, bien, si on donne un coup dessus suffisamment fort, ou si on change un peu le condensateur variable, puis qu'on va chercher une autre fréquence, bien, temporairement, ce qui s'exprimait sur 850 ne s'exprime plus. Comme le corps physique est structuré au repos, c'est un repos relatif, à 850, ou à 550, non, c'est dans la vibration où la dépression s'exprime, bien, elle s'exprime. Tant qu'on altère cela, elle ne s'exprime pas. Mais c'est pas la solution. Donc, je n'existe pas, je n'ai jamais existé, je ne suis pas ici, et je me figure que j'y suis. Est-ce que Mathé... Voilà! Est-ce qu'il y en a un qui a compris? Est-ce que Mathé... ou une, pour frustrer personne. Est-ce que Mathé, le système endocrinien, va briser ce cercle vicieux? Et qu'est-ce qui sera ensuite si ça se produit? Merci. Bon. Le cerveau de l'homme fonctionne par dépolarisation, c'est-à-dire qu'il y a une évolution dans l'espace d'une mécanique conscientisée. L'évolution dans l'espace d'une mécanique conscientisée, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a l'évolution d'une conscience dans l'espace à travers un événement probable, possible, actuel lorsque cela est fait. Et étant donné que la conscience se déplace dans une conscience globale, une conscience absolue, étant donné que nous ne percevons qu'une fraction de la conscience, cela nous donne l'illusion de l'espace et du temps. Donc, dans ce point de vue, le cerveau fonctionne par dépolarisation. Il y a donc un déplacement dans l'espace qui prend un temps, donc un déplacement dans le temps, de l'information. Tout le corps physique au complet fonctionne comme cela. On parle d'un temps réflexe, par exemple. Le temps que ça prend à un influx qui frappe un endroit particulier pour se rendre à la colonne vertébrale, revenir contracter des muscles et le reste informer le cerveau. Étant donné que toute la structure du corps physique de l'humain qui crée de l'expérience et qui nourrit d'expériences l'ego fonctionne avec un décalage, nécessairement, l'information que nous allons recevoir sera décalée. Décalée de la réalité. Décalée de l'instantané. Ici, est-ce qu'on peut arriver à briser le cercle vicieux du système endocrinien pour parvenir à ne plus être? L'individu peut poser la question, est-ce que nous pouvons avoir une conscience non décalée, une conscience instantanée, qui ne subit pas un décalage pour s'expérimenter? Lorsque le cerveau d'un être humain, d'un homme, d'une femme ou d'un enfant nouveau se développe, la rapidité avec laquelle les dépolarisations sont faites sont accélérées. Bon, il y a surmyélinisation des axones, il y a plusieurs phénomènes qui vont se passer, disparition des nœuds de Ranvier, puis il y a un paquet d'autres conneries dans le genre, qui va faire en sorte que la dépolarisation sera de plus en plus électrique plutôt que bio-chimio-électrique. Étant donné que l'information circule plus rapidement, l'individu aura l'expérience d'une conscience qui sera moins déphasée. Elle sera plus proche d'un instantané. Cela lui permettra d'avoir une conscience plus réelle. Non pas réelle, mais plus réelle. Au fur et à mesure de l'évolution d'un être humain, en contact avec une énergie plus rapide. Si on parle de 299 792,5 km à la seconde, qui est la vitesse de la lumière se déplaçant dans l'espace vide, qui est la limite imposée au déplacement de la lumière dans un contexte comme notre création, si nous avons la capacité de vivre d'une instantanéité limitée à cette vitesse de la lumière, on aurait alors une conscience qui se rapproche des hautes sphères de la conscience mentale. L'intelligence supramentale a la capacité de voyager, on peut dire, plus rapidement que la vitesse de la lumière. Elle n'est pas restreinte par la courbure spatio-temporelle de notre continuum. Lorsque l'être humain a accès à de l'intelligence supramentale, lorsque l'intelligence supramentale est capable de bénir totalement l'expression dans sa conscience de l'événement, l'être humain a accès maintenant à de l'instantanéité de conscience, bien que le corps physique, dans l'expression matérielle, devra vivre un déphasement sur l'instantané. Autrement dit, dans l'expression de l'instantanéité, elle sera toujours expérientielle, donc il y aura un déphasement de l'instantané, alors que dans la conscience de l'individu, il n'y aura pas ce déphasement. L'individu aura donc, à un moment donné, la possibilité de voir toutes les photos de son mouvement en même temps, sans conscientiser que les photos sont séparées. Autrement dit, la main occupera tout l'espace que la main aura circulé, dans laquelle la main aura circulé, en même temps. Cela va faire en sorte, évidemment, ce n'est pas un cerveau humain conventionnel qui va être capable de comprendre que présentement, votre corps physique occupe immédiatement, instantanément, une grande partie de l'espace de la pièce ici. Pourquoi? Parce que toutes les fois où vous allez venir, vous allez devoir cheminer. Eh bien, vous ne pouvez cheminer là où votre corps physique n'est pas. Mais ce n'est pas une photographie comme la main ici, la main là, la main là, la main là, qu'on fait passer rapidement. C'est la main. Alors, c'est la main là, puis c'est un 10 millionième de milliardième de micron à côté, la main là, et c'est donc tout la main. Ce qui fait que pour une conscience supramentale instantanée, il ne verra pas la main, il ne verra que de la matière. De la matière qui sera formée par des consciences astrales, des égaux, qui vont ramasser une partie de l'énergie matérielle pour se retrouver dedans, dans l'expérience. Et ils pourront prétendre avoir passé par là. Mais dans la réalité des choses, votre corps ne passe même pas par là. La forme, elle est là, et vous transportez la forme dans de l'énergie, et vous considérez que c'est la forme qui a bougé. Mais c'est la perception de la forme dans l'énergie qui se promène. Arrêtez, par exemple, briser la mécanique du système endocrinien. Il faut que le mental prenne le contrôle de la mécanique du système endocrinien. Uniquement pour pouvoir purifier le contact entre le plan supramental, l'ajuster pour transformer l'ego, uniquement basé sur la mémoire du passé, ou enfin la mémoire de l'expérience, en énergie capable de se foutre de l'information contenue dans l'énergie, dans la forme, lorsque cela lui a été amené. Nous sommes dans un continuum où, pour prendre de l'énergie d'une place et la mener ailleurs, dans ce continuum, nous devons déplacer l'énergie. Nous devons donc limiter l'énergie à de l'espace et à du temps. L'espace sera la forme du transporteur et le temps sera le cheminement dans l'énergie de la forme. C'est une problématique. La mémoire pour se constituer, l'ego pour se constituer, a besoin d'énergie. L'énergie qui va constituer l'ego doit être une énergie rapportée. C'est-à-dire qu'en réalité, pour qu'une conscience astrale puisse s'autoriser à être grande, elle devra considérer qu'une expérience pénètre pour lui donner l'illusion qu'elle grandit. J'expliquais à un moment donné en conférence spéciale que lorsque je vous énergise, je ne vous énergise pas. Que je prends de l'énergie chez moi. Que cette énergie, je la phraséologie, je la transforme en mots. J'applique dans l'air, par mes cordes vocales, une onde. Cette onde, la voix et la parole, parvient jusqu'à vos oreilles. Mon énergie, elle reste chez moi. Ça ne m'épuise pas d'énergiser les gens. L'énergie communiquée dans l'air, elle provient de l'air. Et quand l'air frappe le tympan, elle fait bouger le tympan. Mais l'air n'entre pas. Et là, il y a un système d'ossements à l'intérieur de l'oreiller moyenne et interne qui va transformer l'énergie. Non. Mais cette oreille, cette mécanique va prendre l'énergie qui vous habite et elle va recréer la condition qui a prévalu à la formation de mes mots chez moi. On appelle cela communication. Elle n'est pas télépathique, elle n'est pas instantanée. Mais vous, moi, ce que je fais, c'est que je me prends votre énergie et je vous la fais découvrir. Donc, je vous énerve ou je vous énergise. Comme la musique tout à l'heure. La musique, qu'est-ce qu'elle fait? La musique, elle prend votre énergie et elle vous la fait découvrir. Tout. L'instantanéité, c'est la capacité de reconnaître dans l'absolu toute l'énergie. Donc, il n'y a même plus de déplacement. Dans le cas de la musique qui énerve, elle énerve pour quelle raison? Puisque c'est une transformation d'énergie. Est-ce que c'est parce que l'ego n'est pas habitué à cette énergie-là? Oui, parce que l'ego... Ou ne se l'autorise pas? L'ego ne se l'autorise pas. Et en plus, ce qui va arriver, c'est que la perfection du corps physique n'est pas encore dans l'instantané. L'ego, le corps physique que s'autorise à avoir, n'est pas suffisamment orchestré pour recréer exactement ce qui a été émis. Alors, l'individu, évidemment, va donc, il a une forme d'énergie, c'est-à-dire que si la musique ou si une voix ou quelque chose d'autre, un paysage, etc., un événement, vient chez toi et que toi, tu n'autorises pour recréer l'événement qu'une certaine partie de ce que tu conscientises comme étant toi-même. Donc, tu pourras prendre certaines vibrations et prendre une énergie qui reste formée, une énergie qui contient de l'information. L'énergie qui contient de l'information, cette information est une information de stress. Ce qui vient te stressera. Est-ce qu'on l'entend? On n'entend sûrement pas, là. Je vais recommencer ma question. La musique, on n'entend pas tous de la même façon, comme on n'a pas tous la même heure. On ne l'entend pas tous de la même façon. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas placés dans la même place du point de vue acoustique. Deuxièmement, parce que la densité de l'air n'est pas la même. Non. En dehors de ça, si on avait tous des écouteurs, tous branchés, après le même ampli. On n'a pas la même. Il y a la longueur de fil. On a toutes la même longueur de fil. On n'a pas les mêmes oreilles. On n'a pas le même cerveau. On n'a pas la même arme. L'arme n'autorise pas la même quantité d'énergie. Et la quantité d'énergie va engendrer la qualité de l'énergie. Okay. Pourquoi plusieurs personnes disent-elles que l'on a besoin du passé pour faire le futur? Ben, c'est ça, c'est ce que je vous dis, parce qu'ils sont totalement manipulés par leur passé. Pourquoi avons-nous besoin du passé pour faire le futur? Comme une personne qui dit, moi j'ai toujours peur des ascenseurs, c'est à cause qu'un jour, quand j'étais jeune, je me suis... Oublie donc ton passé. Ton ascenseur, tu pourras régler le problème sans penser à ton passé. Pourquoi vouloir bâtir absolument son avenir à partir du passé? L'humain va dire, oui, mais c'est parce que regarde, si on ne se sert pas de l'expérience des dernières guerres pour ne plus l'en refaire, c'est stupide faire une guerre. Pas besoin d'avoir le passé pour nous le dire. On n'a pas besoin. Pourquoi la personne des monde dit ça? C'est parce que le monde, ils savent de quoi ils parlent. Tu disais tantôt qu'il faut s'en servir du passé pour s'en créer un. Non, ça, c'est tant qu'on reste assujetti aux manipulations réincarnationnelles. Mais on ne peut pas dire, par exemple, je dois étudier l'histoire pour préparer mon avenir. C'est faux. C'est comme de considérer qu'on doit envoyer un enfant à l'école pour qu'il apprenne quelque chose. C'est aussi absurde. C'est ridicule. Il faut se servir du passé, mais le créer, le passé. Tant qu'on est pogné avec le passé, former le passé, s'inventer un passé qui nous plaît pour s'aligner vers un avenir qui nous plaît. Mais on est dans l'illusion. Mais tant qu'à être pogné dans l'illusion, autant s'en servir convenablement. Lorsque j'écris un roman sur la vie future, est-ce que je fais venir des mémoires réincarnationnelles? Bon, premièrement, normalement, la personne se branche aux écrivains qui ont déjà parlé du futur. Deuxièmement, la personne se branche à des mémoires du futur, un futur possible. Et est-ce qu'elle réincarne? Ça dépend. Si elle devient le personnage, oui. Sinon, non. Par contre, elle visite astralement des avenirs, des futurs possibles. Les auteurs, il y a des auteurs qui ont utilisé un nom de plume, un nom d'artiste. Est-ce que c'est une mécanique qu'ils connaissent? Une partie de leur ego s'appelle le nom de plume. Est-ce que cette partie d'ego-là se réincarne les mêmes les futurs ou les événements? Absolument. Qu'est-ce qui fait qu'une personne n'a aucune idée des personnages qu'il réincarne, sauf la certitude qu'il est animé fortement par un agglomérat spirituel, et à quoi ça sert de savoir qui? Ça sert à rien. C'est-à-dire que quand vous le savez, ça va vous servir. Quand vous le savez pas, c'est que ça sert à rien. Donc, ça sert à rien de le chercher. C'est tellement simple, hein? À un moment donné, tous les mots ne servent plus à rien. Faites-le. Alors, je suis moi-même, est-ce que je fouille? À un moment donné, on m'a posé des questions. Alors, j'ai répondu. Alors, en répondant, j'ai appris quelle partie de mémoire du passé pouvait que je réincarnais. Mais je ne me suis jamais assis à me poser la question, est-ce que je suis un tel? Ah non, pas lui, ah non, lui, t'es pas beau. Est-ce que je suis... Ah, peut-être un tel? Ah non, c'est pas lui, non, non, non. Ah, lui, chez lui. Non, non. Pourquoi? Parce que je suis moi. Toute la gang de mémoires qui veulent se réincarner, j'ai rien contre. Mais c'est moi le maître. Et je suis moi. Mais si on considère la mécanique dont tu parlais tantôt, choisir un personnage, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, il y a toujours des possibilités, que l'intelligence te dicte un personnage en te faisant... Si je te pose des questions, je te demande qui tu es. Est-ce que l'intelligence pourrait te faire dire que tu es un tel parce qu'elle sait que si tu te places dans cette direction-là vers le futur, c'est là qu'il faut que tu ailles? Oui, mais ça, Est-ce que l'intelligence pourrait te manipuler à penser que tu étais quelqu'un? De toute façon, c'est pas l'intelligence qui manipule, c'est l'astral. D'une façon ou d'une autre, L'intelligence manipulerait l'astral, puis elle, à son tour, manipulerait l'ego. Ça dépend. Si tu es branché à un canal supramental, l'intelligence supramentale, l'intelligence active, va nécessairement s'arranger pour t'inventer un passé qui va te pousser vers un avenir. Mais le passé, mon ego ou ton ego ne doit pas s'y accrocher. On se sert de cette énergie. Elle est catalysante. Elle est propulsante. C'est quelqu'un qui te pousse, mais tu n'as pas besoin de savoir c'est qui. Non. Le nom lui-même, c'est moi. Quelqu'un va dire, alors oui, mais moi, qui, toi? Moi! Tout, moi. Je suis là, moi. Suis-je là? Je n'ai rien compris. Ah ben, c'est la preuve que j'ai raison, vous n'êtes pas là. Non, l'humain n'est pas là. On y reviendra là-dessus, on s'amuse un petit peu après, oui. Étant donné que le passé vit dans le présent, dans notre corps... Il ne vit pas dans le présent, mais il est là. Il a vécu? Mais non. Il n'a pas vécu. Lui donne présent. Dans notre corps, comment pouvons-nous changer le passé d'un personnage, par exemple? Tu comprends ceci, c'est que le passé n'existe pas. Le passé ne vit pas ni dans le présent ni dans le passé, mais toi, tu as vécu le passé. Mais le passé n'existe pas. Actuellement? Ben actuellement, comme jamais, hein? Mais le passé n'existe, il a déjà existé. Non. Ben à ce moment-là, il s'appelait présent. Oui. Étant donné que le passé vit dans le présent, dans notre corps, donc on efface ça, comment pouvons-nous changer le passé d'un personnage, par exemple, pour me réincarner? Qu'est-ce que nous désirons de celui-là? Si les historiens se sont trompés, si votre mémoire est falsifiée, si à un moment donné, le petit coup sans tête que vous vous rappelez, là, c'est ça qui fait que vous pensez que votre mère vous battait, là. Puis même si votre mère a dit qu'elle s'en rappelle, ça change quoi, ça? Elle peut se tromper. L'humain qui change son passé est un humain qui change son avenir. Personne tout à l'heure qui me parlait, puis elle a déjà fait des dépressions. Et puis là, elle revit des choses similaires. Alors, elle a peur que ça revienne. À quoi ça sert de savoir qu'on a déjà fait des dépressions? Si mentalement, quand ça revient, ces choses-là, ça ne revient pas, si ça vient là pour la première fois, si ça vient pendant que ça vient, et que j'observe mentalement, que je reste moi mentalement, puis que j'y parle à cet égo-là, que je parle, j'ai pas besoin de savoir que ça m'est déjà arrivé pour pouvoir me convaincre un peu plus que ça va encore m'arriver. Qu'est-ce qui fait qu'en le prononçant, le verbalisant, c'est différent, ou en l'écrivant, que de seulement le penser? Quand tu le parles, c'est du supramental, il y a une bonne nuance. C'est l'énergie qui est communiquée par le supramental. Ben c'est que ton mental est là. Le mental ne souffre pas des conneries du monde planétaire. Un mental qui est suffisamment puissant. Le corps physique va souffrir. L'ego souffre encore. Mais toi, tu es le mental. Si toi, tu t'identifies au phénomène de l'ego, tu as l'impression que tu souffres. Donc, tu souffres. Mais si tu parles, si tu es toi, dans un corps qui a des problèmes, avec un ego problématique, l'ego souffre, mais ce n'est pas toi. Donc, tu ne peux pas aller en dépression. Lui va se déprimer, puis tu vas rire de lui. Il ne se déprimera pas longtemps. Mais il faut que tu lui parles pour rire de lui. Il faut que tu rires de lui mentalement, parce que là, c'est lui qui rit de toi parce que tu penses que tu rires de lui. Non, il faut que tu lui parles mentalement. Puis si lui rit de toi, il est plus dépressif, il n'y a aucun problème. Mais c'est comment ça va dire, ça va bien. L'humain s'identifie. Tout à l'heure, la personne me dit, oui, mais je ne peux quand même pas prétendre que c'est le voisin qui vit ça. Non. C'est pas le voisin qui vit ça. C'est l'ego qui vit ça. C'est le corps physique qui, chimiquement, vit une dépression. Mais c'est pas moi, c'est pas toi qui vis ça. C'est pas pareil. Je l'explique souvent. Quand votre automobile tombe en panne, dites-vous, tiens, merde, j'ai une panne. C'est l'humain, il va le dire. J'ai eu une panne, c'est le métropolitain. Car arrêté. C'est une panne de quoi? Ben, une panne d'essence, une panne mécanique. Oui, c'est ça. T'as dû souffrir, hein? C'est son de s'identifier. L'automobile tombe en panne mécanique en plein milieu du métropolitain à moins 40 sous 0, grosse tempête de neige, puis il y a des vannes qui glissent partout. Ça ne vous regarde pas. Oui, mais je suis là. Ton corps physique est là et il n'est pas en panne. Bon, et 2 ans après ta panne sur le métropolitain, qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie? Rien. Tout ce que tu as souffert sur le métropolitain, tout ce que tu as crié, tout ce que tu as eu peur, tout ce que tu as angoissé, c'est quoi? Sur rien. Vous vous illusionnez d'avoir une panne sur le métropolitain, puis vous avez sécrété à l'époque, puis ça vous fait encore sécréter aujourd'hui, puis c'est intéressant. Ceci est une ligne de pensée. Le fait d'avoir vécu une expérience divine, l'illumination ou l'intelligence instantanée, est-elle une illusion? C'est-à-dire que si c'est de l'intelligence instantanée, ce n'était pas une expérience divine. Suite à la première, lors d'un échec, la souffrance intense, ardente, est-elle une illusion? Pourquoi faire l'expérience de la présence divine en soi? N'est-ce pas un personnage ni une illusion? Bon. Le fait d'avoir vécu une expérience divine, l'illumination ou l'intelligence instantanée, est-elle une illusion? Oui et non. quand, à un moment donné, vous vous réveillez, votre ego est tellement abasourdi par ce qu'il voit qu'il cherche dans sa mémoire pour savoir ce qui vous arrive. N'y trouvant rien, ça vous arrive pas souvent, il en conclut qu'il vient de rencontrer Dieu. Votre ego vient de rencontrer Dieu, vous. Suite à la première, lors d'un échec, la souffrance intense est-elle une illusion? Après un premier contact, par exemple, tu veux en avoir un autre contact, et c'est encore la même chose. Au premier contact, vous étiez comment, égoïquement, astralement? Ah ben, je ne m'attendais pas à un contact. Je ne m'attendais pas à ça. Le deuxième, vous vous y en attendez, et vous faussez tout. Vous n'êtes pas le même. Vous n'êtes pas pur. Vous avez de l'expérience. La souffrance, ben oui, ben l'ego voulait encore têter l'affaire, alors comme il n'a pas pu le têter, ben il y a des gros problèmes. Pourtant, faire l'expérience de la présence divine en soi, votre ego, qui subitement découvre l'esprit, vous, d'une façon pure, pas colorée par tout ce que vous pensez que vous êtes. Est-ce que ce n'est pas un personnage? C'est évident que ce n'est pas un personnage. On peut le personnifier ou le personnaliser, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas quadridimensionnel. Et est-ce que c'est une illusion? Je répète encore une chose. Mon micro ici, c'est pas une illusion. Ce que vous en faites, ça c'est une illusion. La perception, ça c'est une illusion. Comme l'ego ne fonctionne qu'à partir de perception, tout est illusion. Le contact avec Dieu, non, ce qui s'est passé est réel. Ce que vous en avez perçu est totalement illusoire. Est-ce que c'est grave? Non. C'est comme ça. Il y avait une question sur laquelle on voulait revenir. Tu voulais revenir? Suis-je là? Je n'ai rien compris. Bon, je ne garantis pas que j'allais comprendre non plus. Mais peut-être que oui. Le temps est une quantité d'espace. L'espace est une quantité de temps. Les deux n'existent pas réellement. Quand on... Et ce que je dis là, ce n'est pas juste la philosophie flyée. L'astrophysique est de plus en plus d'accord avec ce que je dis. Surtout que présentement, ils découvrent dernièrement, encore, ils ont fait une expérience pour prouver une vieille expérience, peut-être de quelques années. Et c'est confirmé, par exemple, lorsque... On s'en sert même d'ailleurs en électronique, mais c'était pas tout à fait compris. Il y a des électrons et il y a des barrières magnétiques. Et les électrons ne peuvent traverser la barrière magnétique. Et de temps en temps, on découvre qu'un électron a traversé la barrière magnétique, mais il n'a pas fait de trou pour traverser. Donc, on sait que l'électron est disparu et est apparu là. Bon, c'est raisonnable en astrophysique. L'électronique se sert d'ailleurs de l'effet tunnel, c'est l'idée qu'on va appeler, pour faire certaines choses. Mais ce n'est pas expliqué. On essaie c'est comme s'il se créait un tunnel, il traversait, il refaisait tout. Autrement dit, comme si votre corps physique traversait le mur, sans faire de trous dans le mur. Mais l'électron le fait, lui. Pas juste l'électron, il y a beaucoup de particules, mais l'électron entre autres. Ça n'existait pas. On sait aussi que si on prend un électron et qu'on le dirige vers une plateforme qui a plusieurs trous, L'électron passe par tous les trous et revient de l'autre côté et continue son chemin. Donc, il ne se pose pas de question à savoir par quel trou il va passer. Et ça, avec, on le sait scientifiquement, c'est évident. Maintenant, il y a autre chose. On a des particules comme le neutrino. Le neutrino, c'est une particule intéressante qui n'a presque pas de masse. Donc, qui, comme telle, n'existe pas. Elle n'existe pas, mais elle laisse des traces et elle laisse des effets. Mais elle n'existe pas. Elle n'existe tellement pas que présentement, quand je vous parle, il y a des milliards de neutrinos qui viennent de vous traverser. Ces neutrinos-là, ce sont des particules, comme électrons, mais ce n'est pas un électron, et qui traversent la Terre. Et elle n'existe tellement pas que si on prend 25 années-lumière de distance de plomb, ben, il faut traverser ça sans s'en rendre compte. Mais ça existe. De pas. De plus en plus, la science avancée comprend. Si on prend un neutrino, et on peut le photographier. D'ailleurs, dans cette mécanique, on comprend une chose, c'est que si on connaît le vecteur de déplacement, par exemple, d'un électron, on ne peut connaître sa position. Et si on veut connaître la position d'un électron, on ne peut connaître son vecteur de déplacement. Autrement dit, il faut en conclure, et l'astrophysique en conclut maintenant, que l'électron est sans doute partout à la fois. Quand on veut connaître son vecteur de déplacement, on ne peut savoir ni où il a été, ni où il va exactement, mais surtout ni où il est. Donc, lorsque l'on découvre le vecteur de déplacement d'un électron, on ne sait pas où il est. Alors, il est peut-être totalement ailleurs que sur le vecteur, mais on a un vecteur. Lorsqu'on arrive à apprendre à savoir où est l'électron, on sait qu'il était là, on sait qu'il était là, et on ne sait pas par où il est passé pour y arriver. Et aujourd'hui, l'astrophysique, la physique nucléaire, la physique des particules, admet qu'il passe partout. Puis qu'il est partout en même temps? Oui. L'électron le fait. Les quarks le font. Constituant de l'électron, constituant des protons, des neutrons, les noyaux atomiques le font. Le neutrino, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on le prend, et lorsqu'on fait, disons, une marque dessus, il y a des moyens d'arriver à marquer des particules. Si on le fait tourner 360 degrés, on le fait tourner au complet, ce que l'on voit, ce n'est pas la face du début. On doit faire tourner un neutrinos deux fois sur lui-même pour y faire un tour. Donc, lorsqu'il tourne, c'est exactement comme si le dessin disparaissait dans un monde différent, comme s'il faisait un 8. Et si on fait faire deux tours, il revient. Et en physique nucléaire, on le sait. Alors, les astrophysiciens, ils élaborent des choses comme je vous parle. Mais ça, ils le savent. C'est expérimenté matériellement. Si l'électron, si les particules qui vous constituent sont partout en même temps, faudra que ce qui est constitué soit aussi partout en même temps. Mais il y a une mécanique de limitation du partout, qu'on appelle la photographie. Lorsque l'astrophysicien prend une photo de l'électron, il sait où est l'électron, mais il ne sait pas où il va. Il ne connaît pas son vecteur de déplacement. Lorsque, astralement, nous prenons une photographie de nos électrons du corps physique, nous savons où il est. Nous n'avons pas d'idée du déplacement. Nous sommes partout, nous aussi. Mais vu que astralement nous prenons des photos, et c'est ce que j'explique, c'est que nous prenons une photo de la main, une photo de la main, une photo de la main, une photo de la main, et nous appelons ça le déplacement. Et ça donne une apparence d'idée, une théorie. L'électron est là, on se dit, il est passé en ligne droite. Mais par la suite, on prend une photo de l'électron et il est là-bas. Alors on dit, il est passé en ligne droite, mais comment il est fait pour virer de bord? Alors on dit peut-être qu'il tourne avec un vecteur d'orbite légèrement tangent, et à un moment donné, à une vitesse telle que quand on a repris la photo, il était rendu là. Mais aujourd'hui, on sait que c'est plus soit pas en tout. Que l'électron, il est où on prend la photo. Mais nous sommes constitués de ces particules. C'est sûr que l'humain oublie totalement que ce sont des atomes, que ce sont des molécules, que ce sont des cellules, qu'il est un corps. Ce n'est pas dans la conscience d'un être humain. L'être humain a l'impression qu'il est une forme globale. Et c'est là le problème. Étant une forme globale, il envisage la vision de son monde à partir de la forme globale. Comme on envisageait l'évolution cosmologique de l'humanité, et même cosmogonique, uniquement en fonction de ce que l'on voyait. Des petites lumières qui éclairent, un gros soleil, une lune, jusqu'en 1920, où on a découvert qu'il y avait d'autres galaxies. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres galaxies depuis les années 1900. Et plus ça va, plus on a notre conscience élaborée. Si on est capable de considérer l'évolution de l'humain en fonction d'une évolution de quarks, de particules, qui fondamentalement n'ont pas de masse, mais qui réunies ont des masses atomiques, ce sont des particules qui ont des électrons qui sont partout en même temps. Et si nous sommes capables de considérer que nous avons des molécules qui constituent des cellules et qui constituent des corps physiques, animés, très intéressant, nous bouffons d'autres particules atomiques qui sont partout, Nous les cristallisons dans notre forme. Si nous sommes capables de considérer avec que les soleils sont construits à même les mêmes molécules que nous autres, d'hydrogène, d'hélium en général, etc. Mais finalement, la vision de votre évolution, elle ne peut pas s'échelonner sur 20, 30, 60, puis 75 ans. L'humain qui, à un moment donné, se fie un peu à la science ou fait certaines recherches pour mettre de l'expérience, de l'énergie formique, l'expérience, dans son ego, pour que l'ego autorise le mental à descendre quelque chose de neuf, ben cet humain-là, nécessairement, va finir par avoir une autorisation astrale d'ego pour que le mental se développe jusqu'à temps que l'ego va vouloir entrer dans l'école du mental et l'ego va devenir un double éthérique, c'est-à-dire que l'ego va être totalement déformé. Le passé, on va l'oublier. Ce qui tue l'humain, c'est sa réincarnation. Il n'y a même pas d'honneur d'être la réincarnation de machin chouette. C'est un maudit problème. S'il n'y a pas de temps, on est partout en même temps. Est-ce que le fait d'entrer dans une maison, une résidence de quelqu'un d'autre en tant que visiteur, ou une maison qu'on visiterait pour acheter, ben, tu rentres dans la maison puis tu te sens chez vous, tu te sens à l'aise, tu te sens confortable, est-ce que c'est parce que ton corps est déjà là? Non, ton corps a toujours été là. A toujours été là. Oui, mais la conscience qui chemine dans le corps, essaie de comprendre l'idée. Essaye de voir. Il y a un corps de chair qui part du mur, qui va jusqu'à l'autre mur, et ce corps-là, il mesure exactement la largeur de la pièce. Ta peau, là, elle est étirée au complet. Ton nez, là, il est partout, il est absolu, ton nez. Ta moustache, elle est absolue. Un poil de moustache a la largeur de la pièce. Ton nez, il a la largeur de la pièce. Mais ta tête aussi. Donc, le nez commence pas là, il commence là, il finit là. Mais tes yeux commencent là, ils finissent là. Et ton front commence là, il finit là. Mais toi, maintenant, c'est que tu as une conscience qui, elle, part du mur. Et elle va bouger dans un espace-temps à travers ce corps. Bougeant dedans, elle décode la finalité du nez. Et comme elle avance, elle décode la finalité de l'autre nez. Et comme elle avance, de l'autre nez. Mais en réalité, il n'y a jamais eu de nez. Il n'y avait qu'un amoncellement d'atomes, un amoncellement de phénomènes énergétiques qui va prendre la forme de la conscience qui se sert de l'énergie pour se donner l'illusion du mouvement. Lorsque l'être humain veut évoluer, lorsque tu parles de ta maison, tu parles d'évoluer dans le système spatio-temporel, dans la maison, il y avait un étirement de ton corps physique qui, de toute façon, t'est rendu là, qui a toujours été là, qui sera toujours là. Puis à un moment donné, ta conscience décide de visiter celle-là plutôt que celle-là. Bien, prends celle-là, tous ces corps n'ont jamais existé. C'est ce que l'humain n'arrive pas à comprendre. Et tu prends celle-là, ceux-là n'ont jamais existé. En avant de ça, tout existe. Les futurs possibles sont permis. Mais tout ce qui était dans le passé est tombé. Tout ce qui n'a pas été vécu, ce qui aurait pu être vécu... n'a jamais existé. Si j'avais opté pour la maison de droite... Pourquoi ça n'a jamais existé? Parce que c'est quoi l'existence? C'est soit de l'instantanéité, donc le reste n'a pas existé en termes de localité. Conscience absolue ne peut concevoir qu'existe un grain de sable. Il appartient au reste. Le grain de sable n'existe pas de par lui-même. Il n'y a pas de forme pour l'observer. S'il y a un ego, il voit le grain de sable. Mais s'il y a un ego, pour que ça existe, il faudrait que l'ego l'expérimente. Ton avenir, que tu ne vas pas expérimenter, n'existe pas. Mais non. Il existait dans un avenir possible. Potentiellement. Oui, mais il cesse d'exister. Pourtant, très simple. C'est assez clair. L'astrophysique, C'est ce qui élimine le futur possible. Ben oui. Tu le brûles complètement parce que il n'a jamais existé. Parce que tu le fais pas, parce que tu l'occupes pas. Tout le passé qui habite l'humain, c'est la même chose. Premièrement, malgré que l'humain se fie uniquement sur sa mémoire, et surtout ce qui tend à supporter sa mémoire pour considérer qu'il est là. Malgré que l'humain a besoin de cela, l'humain devrait travailler sur être capable de supporter cette question. Pouvez-vous prouver que le passé a existé? Je peux pas. Oui, mais regarde la photo. La photo est un support actuel qui tend à supporter l'illusion du passé. La personne a suivi, mais regarde, la personne a suivi un cours de piano, puis maintenant, elle sait jouer du piano, donc il a fallu qu'elle apprenne. Non, La personne sait jouer du piano. Et pour s'autoriser à savoir jouer du piano, elle s'imagine qu'elle a suivi des cours. Elle va dire, oui, mais regarde, j'ai des reçus. Les reçus sont actuels. Ça prouve pas que les reçus ont existé dans le passé. Oui, mais il y a sa signature dessus. Je ne dis pas le contraire. Il y a la signature dessus. Ça ne prouve pas que quelqu'un l'a signé. Oui, mais celui qui a signé s'en rappelle. Oui, il s'en rappelle dans l'instantané, dans l'actuel. Ça ne prouve pas qu'il l'a signé. Ça prouve qu'il pense qu'il l'a signé. Pour utiliser le choix des futurs possibles, pour te sentir la vibration d'être à l'aise ou mal à l'aise, soit dans... L'autre, tu dis à l'aise difficilement et mal à l'aise confortablement. Dans un vêtement, dans une voiture, dans une maison. Est-ce que tu pourrais visiter 4 maisons différentes? Une de faible niveau, moyen, luxueux, tu sais. Mais si t'as bien du temps à perdre, oui. Bon, disons. Disons que t'as bien du temps à perdre. Vu que le temps n'existe pas, pas important. 4 maisons. Puis si tu sens que t'es aussi à l'aise dans les 4, à ce moment-là, choisir la 4e parce que t'étais là aussi. Donc c'était un de tes futurs possibles. Puis oui, tu peux prendre la 4e, puis avoir de la misère à la payer, puis la perdre. Mais de toute façon, c'était ton choix. Mais si tu te sentais là, c'est que tu peux vivre dedans, mais avoir de la misère à la payer, effectivement. Mais pourquoi choisir celle-là? Ça ne sert pas d'abord la mécanique. Pourquoi choisir celle-là? Ben, si les quatre sont... Pourquoi si aussi pourquoi te donner dans les l'illusion quatre... que tu choisis? Mais si tu es aussi confortable dans les quatre, pourquoi prendre la pire? Pourquoi prendre la meilleure? Parce que c'est mieux de prendre la meilleure que prendre la pire. C'est plus confortable. Donc tu ne choisiras pas. Une question de confort. Donc, tu ne choisiras pas. Ben oui, tu choisis. Non. Si tu te sens autant confortable dans les quatre... Mais il y a la pire. Également. Ouais, il y a la pire. Donc, c'est pas égal. Il y a une différence. Ah, ma fille, c'est évident. OK. Alors, tu choisiras pas. Mais comme tu disais, tu peux te ramasser dans la plus grosse et avoir bien la misère. Tu n'auras pas pu choisir. Fait que ça donne absolument rien de savoir qu'on a été dans les quatre maisons. Non? On y allait juste. À quoi ça vous sert? Vous faire souffrir? Vous êtes là, vous êtes de vous demander, poser des questions, vous savez jamais. L'humain est toujours en train de se demander s'il a bien fait, s'il va bien faire, s'il fait bien. Alors que l'humain ne peut faire autrement que de faire. Fait que moi, quand j'ai acheté une maison, j'ai visité une, je l'ai achetée. Bon, c'est plus simple. Quelqu'un va dire oui, mais peut-être que tu regretterais si tu aurais visité toutes les... Non. Non. Ça sert à rien de visiter les autres. Pas parce que c'est la meilleure. Parce que c'est celle-là, de toute façon, que j'achetais. Non, mais c'est parce que moi, je cherche un moyen là, pour s'en aller au fil dont je parlais tantôt, qui est en haut, qui descend dans les 144 000. Plus clairement, plus facilement, bon. que de péter à la gueule ses cartes de porte. Mais moi, t'as dû le dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais c'est facile. Tant qu'un être humain reste un terrien, il ne peut pas s'en sortir. Il est totalement manipulé par des mécaniques mémorielles, historiques, génétiques, corporelles, réincarnationnelles. Il est fait jusqu'à la tombe de ses os. Lorsqu'il y a une intervention extraterrestre, je ne parle pas de soucoupe volante, je parle d'une intervention d'une forme énergétique qui n'est pas rayonnée par l'expérience planétaire. L'intelligence supramentale est l'une des parties les plus basses des contextes extraterrestres. Donc, autant parler d'elle plutôt que de parler des autres mécaniques qui touchent un peu l'humain, mais que l'humain, qui traverse l'humain comme le neutrinos, qui traverse sans que l'humain s'en rende compte. L'intelligence supramentale, présentement, commence à être arrêtée par le corps, par l'humain, par la conscience de l'homme, de la femme et de l'enfant. Donc, parlons de l'intelligence supramentale. Lorsqu'il y a intervention extraterrestre, là, oui, tu peux t'en sortir sans passer par un paquet de conneries. Par contre, lorsqu'il y a intervention de l'intelligence extraterrestre, il doit y avoir purification de la structure mentale pour que l'ajusteur de pensée puisse être développé convenablement et bien être expérimenté, c'est-à-dire être en affinité avec ce qui descend et là où ça descend. Par la suite, il y aura une purification de la structure psychologique, donc une purification de l'âme, ce que moi j'appelle anégoïsation. Il y aura énergification de la structure vitale de l'humain, ce qui va désassujettir l'humain de sa génétique planétaire. Et nécessairement, il y aura l'hétérification du corps de chair par fusion avec le double éthérique qui sera constitué à même la destruction des mémoires émotives de l'ego, de l'âme. Alors, qu'est-ce que l'humain peut faire pour s'en sortir? J'ai déjà dit qu'il fallait qu'on applique un peu plus que l'on savait, c'est une chose. Il faut que l'humain ne se frustre pas. Toute frustration sert le phénomène astral, non pas le mental. Sommes-nous réincarnés avant notre temps? Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'une grande partie de ce qui vient chez nous vient uniquement pour nous obliger à prendre un choix particulier. Donc, ça ne se réincarne pas avant son temps. Imaginez-vous bien. Vous êtes-vous réincarné avant votre temps? Si vous vous réincarnez dans 20 ans, le choix aura peut-être été fait pour que jamais vous n'existiez. Alors, vous venez vous réincarner dans le bon temps. Quelques années avant que l'humanité ait à faire le choix. On n'est vraiment pas avant notre temps. Il y a des connaissances que certains humains peuvent avoir qui rend frustrant la vie ici pour l'ego. Mais moi, je suis venu ici, je m'incarne dans ce temps-ci pour garantir mon avenir. Pour faire en sorte que je puisse faire le choix qui n'a pas été fait. Pour être là pour voter? Oui. Là, on est venu s'inscrire au scrutin pour les prochaines élections. Oui, c'est exactement ça. Tu l'as, c'est en plus ça. Très bien résumé. Ben, t'as pu dire ça au début, on n'aurait pas... Évidemment. Exactement, je t'arrête pour finir pareil. Il y a la... On vote, par exemple, la séparation des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Les citoyens américains d'aujourd'hui s'incarnent un peu avant le vote, manipulent les individus qui ont là à voter pour. Et ça engendre les États-Unis, qui existaient sans conscience. Mais c'est exactement ce que la majorité des êtres humains viennent faire. Ils sont sur la bonne planète, ils sont venus pour pouvoir faire le choix dans un corps de chair avant que le choix se fasse pour garantir leur conscience, enfin une vie confortable. Prochaine conférence, la maladie du siècle, le médiocrisme, au LDN Longueuil, mercredi le 13 septembre à 19h30. La suivante, attention au dialogue intérieur, au LDN Richelieu, ici, mercredi le 20 septembre. Et la dernière pour le mois de septembre, le voyage astral est-il pour vous, mercredi le 27 septembre, au LDN de Longueuil. Sur ce, bonne semaine, à la semaine prochaine.